France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le grand soir manqué des dockers marseillais contre la guerre d'Indochine. Nous sommes à l'automne 1949. La France peine à se remettre de la Seconde Guerre mondiale et combat toujours sur un nouveau front lointain, en Extrême-Orient, comme on disait alors. C'est la guerre d'Indochine qui a débuté 3 ans plus tôt. Il se trouve que c'est depuis le port de Marseille que sont acheminés munitions et matériel qu'embarquent les troupes. Et c'est aussi là que reviennent les cercueils des soldats tombés. Cette logistique de la guerre et de la mort se fait d'abord dans l'indifférent général, mais mois après mois, la colère grandit. Alors les dockers marseillais refusent d'embarquer de nouvelles cargaisons d'armes, immobilisant les navires à quai. Dans cette France du plan Marshall et des dollars que les Américains déversent, seul le Parti communiste, puissant à l'époque, et la CGT, puissante également, soutiennent l'engagement des dockers contre le colonialisme et l'impérialisme américain. Le port de Marseille est lui aussi traversé par la guerre froide et par ses vents venus d'Est et d'Ouest. Notre invité aujourd'hui, Tanguy Perron, historien et chercheur au Centre d'Histoire Sociale des Mondes Contemporains, à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et au CNRS, auteur notamment de « Écran rouge, syndicalisme et cinéma » aux éditions de l'Atelier. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Judith Chetrit, coordination Franck Cognard, chargée de programme Rebecca Donnante, réalisation Étienne Bertin. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Marseille, octobre 1955. Une salle de cinéma se remplit. Des dockers et leurs familles viennent voir le film d'un instituteur et militant communiste de 30 ans, Paul Carpita. C'est la première séance de « Rendez-vous des quais », c'est le titre du film, dont le tournage a commencé pendant la grève des dockers 6 ans plus tôt. On y suit un couple, Robert, docker, et Marcel, une jeune ouvrière travaillant dans une biscuiterie. Entourés de leurs amis avec qui ils aiment pêcher, ils espèrent se marier, mais ils redoutent de se retrouver au chômage et de ne pas trouver un logement s'ils poursuivent la grève. Mais les spectateurs ne connaîtront pas l'issue de cet amour mis à l'épreuve. La projection est interrompue, comme le raconte l'assistant réalisateur du film, Florent Munoz, 43 ans plus tard, sur France Culture. Ça aurait dû être une fête, et ça a été quand même dramatique, parce qu'on est venu nous dire, attention, vous savez, il y a les camions de CRS et tout, qui étaient stationnés dans la rue, là. Alors il y avait 6 camions de CRS, les gardes mobiles, le préfet, le commissaire, tout ce qu'on veut, avec les écharpes, l'huissier, qui sont arrivés. Et moi, ma première réaction, c'était de prendre la copie où il y avait encore les bobines. Je disais non, le film, vous ne le prendrez pas. Laissez-nous au moins projeter le film à ceux qui sont là. Parce qu'ils voulaient le prendre, le film, ils voulaient partir avec. Oui, ils voulaient partir avec, le saisir. Ils avaient un papier de saisie. Et bon, après discussion, les responsables du syndicat de dépenses, ils sont venus, ils ont dit, vous savez, ils disent, écoutez, il vaut mieux composer parce que... Il faut éviter une catastrophe, l'affrontement entre la police et les dockers, parce qu'ils n'auraient pas laissé faire ça, les dockers. Dans la cabine de projection, les bobines sont saisies et glissées dans des sacs. Elles ne seront retrouvées que 30 ans plus tard. Le film est bel et bien voué à passer à la trappe. Déjà, 3 mois avant cette projection avortée, Rendez-vous sur les quais n'obtient pas le visa. Motif ? Il contient des scènes de résistance violente, sa projection est de nature à présenter une menace pour l'ordre public. Bref, subversif. Paul Carpita voulait parler de la classe ouvrière, les autorités l'en empêchent. Mais en cet automne 49, pas grand monde ne s'offusque, ni les journaux, ni le Parti communiste, ni le monde de la culture. Carpita avouera plus tard avoir souffert de cette saisie humiliante dans l'indifférence des gens de cinéma, je reprends ces mots. Pourtant, la guerre d'Indochine s'est terminée 1 an plus tôt, par la débâcle de Diem Dien Phu, et les regards sont désormais tournés vers une autre guerre de décolonisation, l'Algérie. Ce film, Rendez-vous sur les quais, contient des images documentaires inédites, celles de la grève de dockers, donc, que Paul Carpita a tournées sans autorisation. pour pouvoir filmer en douce le port, les quais, l'agitation, les échauffourées, bref, les grèves contre la guerre d'Indochine, il prétendait réaliser des films publicitaires sur les sauveteurs en mer ou sur la pêche à la morue. Voilà pour la couverture. La toile de fond, c'est donc Marseille, premier port du pays en 1949. Son importance est stratégique, incontournable pour le trafic maritime. Il est la porte d'entrée, la première vision de la métropole pour ceux qui viennent des colonies. Ses quais jamais déserts sont animés par le mouvement incessant des tonnes de marchandises qui arrivent ou qui en partent. Sans oublier le poids économique local, ils sont plus de 10 000 hommes à pointer chaque jour à l'entrée du port. C'est vrai que le travail ne manque jamais sur les quais, comme se souvient sur France 3 Jacques Roger, ancien rédacteur en chef du journal La Marseillaise. Il faut sans doute rappeler qu'en 1944, Marseille n'est qu'une plaie béante avec son cortège de ruines. Les Allemands ont tenu parole. Ils ont détruit le port. 9 km de quais totalement ravagés. Les bassins détruits eux aussi. Et 67 navires qui ont été coulés dans les endroits stratégiques pour l'activité du port. Et comme pour ajouter à la détresse des Marseillais, mais ce sont les Alliés, avec les avions américains, qui le 27 mai 1944 vont bombarder les quartiers populaires de la Belle de Mai et de Saint-Lazare, en pleine insurrection, en pleine libération de Marseille. Alors, il faut reconstruire cette ville et ce port, et reconstruire vite. Alors on se retrousse les manches. Sur les quais, les dockers exercent un métier physique pénible et dangereux où les accidents du travail sont courants. Ils attendent chaque matin dès 6 heures dans un grand hall de béton. Et ils sont ainsi plusieurs milliers de précaires à être embauchés au jour le jour par les entreprises qui régulent ainsi leurs besoins de manœuvre en fonction de l'arrivée des navires dans le port. Le rythme de travail est donc aléatoire. Et chaque docker doit être inscrit à avoir une carte professionnelle attribuée par le bureau de la manœuvre où siège la CGT. Et dans cette France d'après-guerre où les tickets de rationnement, toujours en vigueur, ne suffisent pas à apaiser la faim des Français, être docker, c'est bénéficier tout de même de quelques garanties sociales. En cas d'insuffisance de travail, l'ouvrier, le docker, touche une indemnité compensatrice. Une avancée, analyse en 2004 le journaliste et écrivain Dominique Ponce, auteur des Docks et des Hommes. Donc à partir de 1936... les hommes qui sont des chiens des quais commencent un peu à relever la tête, ils n'en peuvent plus. En 1936 encore, on travaille sur les quais comme on travaillait au début du siècle, hein. On n'est pas encore bien bien moderne. Le docker de l'époque, il portait des choses abominables pour un enfant de 12 ans, 14 ans. Il portait des brouettes qui étaient 200 kilos, ça vous cassait le dos. Et à partir d'après la guerre, en 1947, on est encore dans une période relativement sociale. En 1947, on n'est pas dans le régime libéral, pas complètement. On donne aux ouvriers du port, aux portefeuilles, aux manutentionnaires, appelez ça comme vous voulez, un statut. Et deviennent des dockers. Mais douloureux paradoxe, en vendant leurs forces, les dockers marseillais participent à la reconstruction du pays, certes. Mais ils participent aussi, indirectement, à la poursuite de la guerre d'Indochine. Chaque mois, en effet, des navires accostent, déchargent, chargent et repartent pour le pays où les soldats français combattent le Viet Minh, les troupes indépendantistes menées par le communiste Ho Chi Minh. De facto donc, par leur métier, leur mission, les dockers assurent la logistique de la guerre d'Indochine. Dès lors qu'ils permettent l'acheminement, en une quinzaine de jours, à 10 000 km de là, d'hommes, d'armes, de munitions et de marchandises. Les rotations des paquebots sont fluides jusqu'aux arrivées des premiers cercueils. Ici Marseille. Il est exactement 10h15. Les quais du Vieux-Port, inondés de soleil, ne cessent d'accueillir une foule émue. Maintenant, l'esplanade est noire de monde. Entre les deux tribunes érigées pour la circonstance, s'étale une sorte de plancher en pente douce vers la terre. Sur ce plancher, des rectangles tracés à la craie. Dans ces rectangles, des noms. Médecin général Roch, lieutenant-colonel Hérulin, lieutenant Max Devaux, légionnaire Boubeau, sergent Jean Le Soin, caporal Gabillot, soldat Alliot, Paris, Colmar, Le Nord, la Vendée, le Midi. Dans quelques instants, 7 cercueils, venus d'Indochine, vont accoster. En métropole, la guerre d'Indochine est lointaine pour la majorité des Français, plus préoccupés par leurs difficultés matérielles. De plus, ce sont des soldats professionnels qui partent, des volontaires, donc pas d'appeler du contingent. Alors, et à part pour les dockers, le coût humain de cette guerre est peu visible. Mais eux, les dockers, ces travailleurs du port, croisent le regard des blessés qui rentrent. Eux voient qu'il y a toujours plus de cercueils et toujours moins d'hommages officiels à l'arrivée. Le syndicat des ports et les docks manifestent de plus en plus son ressentiment. Quelques actions émergent pour servir d'exemple. Le 2 novembre, les dockers du Cap Jeannet à Fos-sur-Mer refusent d'embarquer les camions de l'armée sur le Mont-Béliard. La direction du port réagit immédiatement. Des heures seront déduites de leur salaire. 10 jours plus tard, une même résolution est votée pour arrêter l'approvisionnement matériel, cette fois sur le Cap Tourane. À la fin du mois, c'est le secrétaire de la CGT qui se voit retirer sa carte portuaire pour entrave à l'embarquement de marchandises pour le Vietnam. Cela n'arrange évidemment pas les choses et le syndicat continue de pousser à l'action. Le 8 décembre, les dockers des 8 ports de la Méditerranée, comprenant notamment Sète, Port-de-Bou, Toulon et bien entendu Marseille, se réunissent et votent pour qu'aucune arme pour la sale guerre du Vietnam ne parte des portes de la Méditerranée, je les cite. « Trop de morts », se souvient Roger Manunta, agent de maîtrise sur le port et syndiqué. Il s'exprime sur France Culture. Nous étions le dernier lien avec l'Indochine. Les bateaux partaient de Marseille pour l'Indochine. Et les marchandises militaires arrivaient sur le port de Marseille, qu'on embarquait et qui partaient au Vietnam. Bon, tant qu'on parlait de guerre, on parlait de ci, on parlait de là, on travaillait. Mais quand on a commencé à voir arriver les premiers morts, en brague, c'est 6, 7, 8, 10 cercueils embragués et à terre. Et à terre, il y a cercueils qui tombaient, qui se cassaient, les morts, ils tombaient par terre, tout, on ramassait, comme de la marchandise, comme des dattes, comme des pommes de terre, comme des oranges. À Paris, à la tête du Parti communiste, Maurice Thorez se félicite de ces blocages. Les dockers de Marseille montrent la voie à suivre. Il en appelle au devoir de développer la bataille de la paix sans aucune crainte et avec le sentiment de ce que cela peut exiger de sacrifice. Je reprends ces mots. À Marseille, ces mots, justement, touchent les dockers, parmi lesquels la CGT, on l'a dit, est solidement implantée. Le PCF, lui, est encore le premier parti de France, avec ses presque 30% de suffrages recueillis aux législatives de 46, mais il est isolé, seul contre tous les autres. Depuis le renvoi un an plus tôt de tous les ministres communistes, le parti s'engage pour une longue période tribunicienne, jamais aux affaires, jusqu'à l'arrivée de François Mitterrand à l'Élysée en 1981. En 47, les députés communistes ont été les seuls à ne pas voter les crédits nécessaires à la poursuite de la guerre. En janvier 49, une réunion politique appelle les 800 000 adhérents du parti à constituer des délégations et à lancer des pétitions pour dénoncer cette sale guerre, très coûteuse de surcroît, comme le raconte l'Humanité, alors le journal le plus lu en France. Le quotidien La Marseillaise et des revues du PC de la CGT insistent début 1950. Si elle continue, et donc si rien n'est fait ici, en France, pour y mettre fin, la guerre d'Indochine dégénérera en Troisième Guerre mondiale. Et elle n'en serait que le prélude, une promesse de mort et de désolation. Nous saisissent à bras le corps, nous attachent à la ferraille, ne nous laissent que l'effort. Ils nous font jouer les cobayes, puis nous jettent à moitié morts. Ils nous mettent sur la paille, quand s'entasse leur trésor. Ils nous brident et nous baladent, nous font cuire dans leur bouillon. Nous mélangent à leur salade, nous promènent des pions. Il nous faut tomber les grilles, vaincre la loi du plus fort, se repartager les billes et repeindre le décor, et repeindre le décor. Passe-moi mon drapeau rouge, que je l'accroche au volet. Regarde-le comme il bouge dans la rue ensoleillée. Passe-moi mon drapeau rouge, que je l'accroche au volet. Passe-moi mon drapeau rouge et et le noir tant que tu y es, et le noir tant que tu y es, et le noir tant que tu y es. Yeah! Ragadigade, la langue me démange, ce matin je me sens tout remonter. Ragadigade, je voudrais que tout change et connaître enfin la félicité. Ragadigade, je cours à la fenêtre, puis j'ai envie de gueuler un bon coup. Ragadigade, envie d'envoyer paître tous ces méchants, ces puissants, ces filous. Ragadigade, connons de toutes sortes, aujourd'hui il ne faut pas me brancher. Ragadigade, le diable vous emporte, il est grand temps pour vous de raccrocher. La gadigade, franchement, ça soulage et ça t'empêche de devenir faux. La gadigade, tant pis si c'est pas sage, il ne fallait pas nous pousser à bout. Il ne fallait pas nous pousser à bout. Nous pousser à bout, nous pousser à bout. Aujourd'hui, le grand soir manqué des dockers marseillais contre la guerre d'Indochine. France Inter, affaires sensibles. En janvier 1950, le long de la jetée, face au Cap Janet, le paquebot Pasteur est amarré. Reconnaissable grâce à son immense cheminée, le navire a commencé les rotations avec Saïgon en 1945. Il vient d'en revenir et doit bientôt y retourner avec 2800 soldats à son bord. Alors les dockers veulent frapper plus fort, comme le relate cette scène dans le film Rendez-vous des quais. Mon vieux Toan, on a besoin de ton bateau. Une nuit. Une nuit ? Et pourquoi faire ? Le pasteur va rentrer d'Indochine avec des cercueils, des blessés. Les copains ont décidé de faire une inscription sur la jetée. Paix au Vietnam. Il faut le répéter partout qu'on en a assez de cette guerre. Ouais. Alors, Fred et moi, on a pensé qu'avec ton bateau... Ouais. Non, je marche pas. Non, je veux pas d'histoire. Et d'abord, il faut le connaître, mon bateau. Vous saurez pas le faire marcher. Est-ce que tu veux qu'il arrive à ton bateau ? Il n'a qu'à venir avec nous. Quoi ? Non. Eh ouais ! Vous allez me mettre un drôle de pastis encore. Hé, hey, Toan, tu te confesses ? On dirait qu'il n'y a que moi pour les bateaux. Puis, avec les marins et les métallurgistes qui travaillent sur les réparations quand le navire est à quai, les dockers votent à main levée pour retarder le départ du pasteur de 48 heures. Le mot d'ordre de débrayage se répand très vite dans la ville et ratisse large. Cheminots et postiers veulent en être également. Une grande manifestation est annoncée pour le 10 janvier dans l'après-midi. La préfecture réagit immédiatement. Les CRS montent à bord du pasteur dès l'aube et le préfet Jean Baillot se déplace en personne pour annoncer à l'équipage qu'il sera réquisitionné. Le secrétaire CGT des marins, Georges Serrano, est même brièvement arrêté. Un symbole, pourtant, que cet ancien résistant, capturé par les Japonais en Indochine, avant de réussir à revenir à Marseille, où il est brièvement adjoint d'un maire communiste éphémère. En 1991, sur France 3, l'historien Jean-Pierre Rioux revient sur ce climat politique et social de l'époque. Le climat à Marseille est tout à fait exceptionnel, en ce sens que se conjugue le fait qu'il y a sur ce port 12 000 dockers, si je me souviens bien, très syndiqué à la CGT, que le monopole de la CGT est très important pour tout ce qui touche à la présentation des dockers face à l'embauche, face au patron, qu'une scission syndicale s'est produite l'année précédente, en 1947. Installer un syndicat des dockers FO a été un combat extrêmement compliqué. Ajoutez-y le contexte politique de Marseille, qui n'est jamais simple, vous le savez, en ce sens que les communistes ont perdu la mairie en 46, le RPF du général de Gaulle l'a prise en 47, et que Gaston Defferre est là. Il est élu, il sera même ministre de la Marine à l'été 1950 dans le gouvernement Pleven, et lui aussi veut conquérir la mairie, il l'aura d'ailleurs en 1953. Donc vous voyez, une lutte politique extrêmement violente qui donne à cette affaire marseillaise une coloration très particulière. Arrive le 10 janvier 1950, jour de la manifestation. Mais la police l'a aussi anticipé, comme lorsqu'elle est montée sur le paquebot Pasteur pour empêcher son blocage. Ce 10 janvier donc, le quartier quadrillé. Il est interdit d'y entrer et d'y stationner. Mais les manifestants ont prévu le coup et ont imaginé une stratégie pour contrer les autorités. Les conducteurs des tramways et des trolleybus abandonnent leurs véhicules en centre-ville. Ce qui complique la circulation, bien sûr, mais surtout celle des policiers qui doivent arriver en renfort. Et quand la manifestation part de la Canebière, alors que les CRS sont déployés à la Joliette, le port, il n'y a sur place que quelques policiers à bicyclette, ceux qu'on appelait alors les hirondelles. La voie est donc libre pour les manifestants, parmi lesquels Blaise Blasquez. Ce membre des jeunes communistes et tourneur dans un atelier de réparation navale du port était présent. Il raconte cette journée du 10 janvier, des années plus tard, sur France 3. Il a fallu s'ingénier à créer une série de diversions. Par exemple, l'effervescence autour du chargement du navire au Cap Janet, sur le port de la Joliette avec les dockers, il y avait un autre foyer d'agitation également, ce qui nous a permis de diviser les forces de l'ordre, et puis nous, sans l'avoir annoncé, puisqu'on avait fait la diversion sur la Joliette, avec les débrayages organisés avec la métallurgie, le bâtiment et toutes les corporations portuaires, nous avons fait converger toutes ces forces sur la Canebière à l'heure prévue exactement. Les rues du centre de Marseille résonnent de slogans pour la paix au Vietnam. Pas un coup de marteau pour une guerre impérialiste. Tous unis contre la sale guerre, peut-on lire sur les calicots. La presse communiste en fait immédiatement une date référence. Parce que la sale guerre, critiquée par le PCF, avait jusque-là plutôt suscité des mobilisations, disons, épisodiques. Le nombre de personnes rassemblées n'est pas faramineux, en tout cas en deçà des espoirs du parti et du syndicat. Mais une conscience émerge, et les dockers prennent confiance dans leur force de mobilisation collective. Les ports sont appelés à devenir des places fortes, les dockers incarnent le refus de la guerre. Le 11 janvier, le lendemain de la manif, le journal Le Monde publie un article au ton indigné. Le gouvernement se trouve devant une grève politique à l'état pur, dont l'objet final serait, si elle était réussie, de désarmer nos soldats, de les affamer et de contraindre la France à subir la loi de l'étranger. À Marseille, l'ordre de réquisition est bafoué. L'autorité du gouvernement est mise en jeu. Nous pensons bien que les pouvoirs publics ne céderont pas et que les sanctions indispensables seront prises. Sans quoi, les mêmes débordements se reproduiraient ailleurs. Dans les ports de Boulogne, La Rochelle, Oran ou Bordeaux, d'autres dockers se mobilisent de manière éphémère et refusent également de charger les bateaux. La presse communiste mentionne aussi des débrayages dans des bastions comme l'usine Renault, à Boulogne-Billancourt. Il faut relayer le mot arrêt de travail et montrer l'unité de la classe ouvrière pour optimiser le succès des actions à venir, à la fois pour forcer la France à se retirer d'Indochine, mais aussi à augmenter les salaires. Les dockers, par exemple, réclament 3000 francs de prime pour compenser le coût de la vie. Mais si la presse communiste soutient le mouvement marseillais, les autres médias n'y voient, eux, que sabotage et trahison de l'intérêt national. À la radio, le député Jean-Paul David, qui a créé le mouvement anticommuniste Paix et Liberté, mène une contre-attaque. En vérité, pour les communistes, lutter pour la paix en France, en Allemagne ou en Indochine, c'est servir le bloc soviétique et trahir les intérêts de leur propre patrie. Vous voilà encore une fois éclairé sur la sale besogne que peuvent accomplir impunément chez nous ceux qui ont l'audace de prétendre qu'il n'y a pas de liberté en France. Les félicitations qu'ils reçoivent du chef des troupes ennemies suffisent à juger leur patriotisme verbal à l'usage exclusif des réunions publiques et de leur propagande néfaste. Fin février 1950, la mobilisation anti-guerre s'étend et l'attention se déplace bien au nord de Marseille. Sur un autre lieu, la gare de Saint-Pierre-des-Corps, tout près de la ville de Tours. Un train transportant du matériel de guerre doit y passer, mais des centaines de manifestants communistes et pacifistes se rassemblent pour protester contre le passage de ce convoi. Deux militants se couchent alors sur les voies. Un secrétaire fédéral de la CGT, René Janel, et une sténodactylo de 20 ans, Raymond Dien. Arrêtés, poursuivis et emprisonnés à Tours pour complicité de détérioration de matériel susceptible d'être employé pour la défense nationale, cette dernière devient le visage de la désobéissance civile. Comme elle exalte le combat collectif des dockers, l'humain en pamoison célèbre son doux visage allongé et le clair sourire de la jeune femme. C'est dans ce climat que le 10 mars, 2000 dockers se regroupent au cinéma Saint-Lazare, pas loin du Vieux-Port. après 2 mois d'action perlée et répétée, la grève est votée sur le port de Marseille. À chaque prise de poste, les harangues au-dessus des passerelles se multiplient. Mais au-delà de l'enjeu collectif, il y a l'individuel. Celui qui se déclare gréviste sait qu'il peut perdre son accès au port, son salaire et ses avantages sociaux. Évidemment, la direction du port ne reste pas sans réagir. À compter de ce moment précis, les conditions de travail changent radicalement. Les dockers journaliers découvrent que leurs vacations peuvent être différées, quelle que soit leur heure d'arrivée au bureau central. Roger Manta se souvient de ces jours atypiques. Nous n'avions plus d'horaire, nous n'avions plus rien. Nous venions le matin à 6h, 5h30 à l'embauche, et puis on nous faisait commencer à n'importe quelle heure de la journée. Toutes les demi-heures, il y avait une journée qui commençait, 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h, jusqu'à 2h, 2h30 d'après-midi. Nous effectuions 8h de travail, 4h, 1 heure de repos pour casser la croûte, à n'importe quelle heure. 4h30, et puis le soir, on ne partait pas tant qu'on ne nous disait pas de nous en aller. Quoi. Sur les docks, tout bascule. La direction durcit le ton et enchaîne des mesures de rétorsion. Avertissement, retrait provisoire ou définitif des cartes d'accès au port. La police, elle aussi, est menaçante. Les entrées sont filtrées, les militants CGT dont la maréchaussée détient la photo sont refoulés, et ceux qui forcent les barrages sont arrêtés. Les accrochages entre dockers grévistes et non-grévistes provoquent régulièrement l'intervention des forces de l'ordre. Le 21 mars, ça déborde. Depuis la fenêtre du siège du syndicat des dockers, des bûches sont jetées sur les policiers. Avec d'autres militants, 2 secrétaires du syndicat sont écroués pendant 2 semaines à la prison des Baumettes pour agents et outrage à agents et rébellion. En refusant de verser les salaires, la direction compte sur la misère croissante pour faire céder les grévistes et éloigner les autres de l'influence de la CGT. Mais c'est sans compter sur l'entraide importante entre camarades. Le syndicat distribue des colis alimentaires, des collectes d'argent sont organisées un peu partout, et l'intersyndicale met sur pied des soupes populaires qui se déplacent dans les quartiers ouvriers. Sur France 2, presque 50 ans après la grève, le docteur Alfred Pacini rend hommage au soutien des femmes. Nous avons pu supporter cette situation, nous battre, grâce aux femmes de Docker, qu'elles ont été admirables. Les femmes de Docker manifestaient avec nous, venaient faire la cuisine, descendaient à pied de l'estac de Saint-André. Des choses formidables. Sans l'aide, sans la compréhension de ces femmes, il n'aurait pas été possible de mener des batailles pareilles. Moi, je prends l'exemple de ma femme, quoi. Elle me disait rien, elle faisait un crédit à l'épicier. Et elle m'a laissé faire. Puis elle est tombée malade avec la tuberculose. Combien de ménages ont été défaits, des divorces, des séparations, des choses formidables, quoi, horribles, quoi. Moi, je me souviens quand je retournais avec ma musette que je travaillais pas, ma femme de la fenêtre me faisait travailler pas. Le 27 mars 1950, ce sont 35 000 dockers qui continuent leur grève par solidarité dans les ports de France et d'Algérie. Mais c'est l'apogée avant le déclin, car la détermination de la base faiblit. Les déclarations de soutien d'autres corporations ne débouchent pas toujours sur des actions concrètes, et finalement ne restent que des mots. La pression sur les dockers est constante, l'essoufflement est manifeste, et la tendance de fond est à la reprise du travail. Et puis la guerre froide a déjà 5 ans et le port de Marseille est un terrain sensible dans ce contexte. Les Américains d'ailleurs, et comme le raconte le journaliste Jacques Roger, s'alarment de la montée en puissance des idées communistes. Au moment de l'affaire du Pasteur, se tient à Marseille un congrès international dont l'objectif est sans équivoque. Il s'agit par tous les moyens d'obtenir le chargement et le déchargement des bateaux en matériel et en hommes de troupes. Irving Brown, le puissant patron du syndicat américain l'AFL-CIO, dirige les travaux. Le rôle de cet homme, lié à la CIA, a d'ailleurs été raconté par Gaston Defer lui-même dans une note au président du conseil Henri Cueil. Il écrit, et je le cite, « Ferry Pisagne et Marcilly sont des convives attitrés des restaurants les plus chers et des boîtes de nuit. dont M. Irving Brown est l'organisateur prodigue, et ils sont liés à des hommes classés comme appartenant au RPR. Il ajoute d'ailleurs dans cette note comment, avec son aide, la direction du port a retiré la carte professionnelle à 900 dockers accusés d'être des communistes. Cela se traduit sur le port par une véritable chasse aux sorcières. La direction du port commence alors à embaucher à tout va d'autres personnes pour poursuivre le travail et le chargement des navires. À la manœuvre, cet Irving Brown, dont on vient d'entendre parler, ce dirigeant syndical américain, mène la guerre au communisme et sillonne la France et l'Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La CGT le surnomme le corrupteur sans visa. Irving Brown se rapproche d'une nouvelle section rivale de la CGT, le syndicat FO des marins et des dockers. C'est une première torpille. Puis il fait appel à des briseurs de grève et des gros bras peu recommandables qui émargent habituellement chez les frères Guérini, figure du milieu à Marseille. Certains sont même libérés de prison pour l'occasion. Antoine et Mémé Guérini, les fondateurs de ce qu'on appellera plus tard la mafia corso-marseillaise, règnent depuis 25 ans sur la prostitution, les salles de jeu, la contrebande et bientôt sur le port. Ils ont tout intérêt à ce que celui-ci tourne à plein. Pour la fameuse French Connection, ce trafic d'héroïne entre la France et les États-Unis. Ce qui s'est passé sur le port de Marseille avec les Américains va avoir de graves conséquences. La collaboration d'Hommes de Main et de Truand va marquer le départ, l'installation en grand du trafic de la drogue. La matière première arrive de l'Orient et de l'Extrême-Orient, les laboratoires s'installent et le commerce est florissant, notamment vers les États-Unis. C'est le début de la French Connection. Les Marseillais sont écœurés et en refusant la guerre, ils refusent en même temps tous ces trafics. Ils ont été aux premières loges contre la guerre, ils seront en première ligne pour obtenir la paix. Étrange alliage tout de même pour casser une grève. Des truands marseillais, Luciano, le boss de la mafia américaine, la CIA et le gouvernement français, tous animés par le même intérêt. Et même si la CGT, en avril 1950, enchaîne les appels à poursuivre la grève, elle mobilise de moins en moins de monde. Les blocages se raréfient, d'autant que des négociations débutent avec l'Union nationale des industries de manutention dans les ports français pour améliorer les salaires. Et même si les grévistes font de la levée des sanctions contre eux une condition absolue à la reprise du travail, cela ressemble à un baroud d'honneur. La CGT et l'EPC sont en perte de vitesse sur le port et l'inquiétude des simples dockers n'est plus idéologique mais prosaïque. Avec les toutes nouvelles embauches de la direction, comment se passera la reprise du travail? Mais ils n'ont plus le choix. Le 18 avril 1950, les dockers décident de reprendre le travail. Ils auront tenu 40 jours. Désormais, le combat politique n'est plus l'arrêt de la guerre, mais la remise en liberté de celles et ceux qui ont été arrêtés ces derniers mois. Reviennent alors dans les pétitions des noms comme celui de Raymond Dienne, la jeune sténo qui s'est allongée sur les rails pour bloquer un convoi militaire, et, quand la guerre d'Indochine se termine, enfin, 4 ans plus tard, sur le port de Marseille, reste une grande amertume, comme l'évoque ce reportage de France 3. Commencée en 1946, la guerre d'Indochine se termine 7 ans plus tard, en juillet 1954. En lutte contre le Viet Minh, un mouvement indépendantiste d'obédience communiste, la France est défaite à Dien Bien Phu et se voit contrainte de quitter l'Indochine. Le bilan est lourd, 47 000 tués, 72 000 blessés. En mai 1954, un navire hôpital entre dans le port de Marseille. À son bord, des blessés portés sur des brancards par des marins américains. Leur retour se fait sous les huées et les crachats des dockers de la CGT. Mais les images ne le montrent pas. Cette année-là, des cercueils de soldats morts pour la France ont été jetés dans le port de Marseille. En juillet 1954, la une de l'Humanité lyrique revient sur les grandes luttes menées par les communistes marseillais, la pugnacité des militants face à la répression. Mais le grand soir des dockers n'a pas eu lieu. Comme souvent, les plus convaincus, quelques centaines, ont d'abord réussi à entraîner des milliers de dockers, mais comme dans un feu de paille, violent et bref, avant que les moins aguerris ne rentrent dans le rang. La guerre d'Indochine s'est poursuivie sans que la logistique de l'armée française ne souffre des blocages du port de Marseille. Elle a été perdue sans que les dockers y soient pour quoi que ce soit. Sur les quais, le syndicat CGT a connu une fuite d'adhérents dont il a mis 10 ans à se remettre. Alors, que reste-t-il dans la mémoire collective de cet épisode ? Peut-être un même espoir d'arriver à peser sur l'histoire. En 2019, comme en 1949, des dockers de Marseille et d'ailleurs ont refusé à leur tour de charger des munitions et de l'armement dans des navires appareillant pour l'Arabie Saoudite, pour que ces armes ne soient pas utilisées dans la guerre que mène la monarchie pétrolière au Yémen voisin. Mais le conflit n'a pas cessé, là non plus. L'action ponctuelle n'a pas servi à grand-chose, à part, comme en 1949, à faire quelques gros titres. Les mêmes espoirs engendrent parfois les mêmes désillusions. Un soir, les voyous de Marseille m'ont fait goûter à leur bouteille au fond d'un bistrot mal famé où j'attendais de m'embarquer. Ils me parlaient tous de voyage, je faisais déjà mes bagages. Ils m'ont saoulé de tant de bruit que je ne suis jamais parti. Marseille, tais-toi Marseille, tu cries trop fort. Je n'entends pas claquer les voiles dans le port. Je vais voir devant les agences les noms des bateaux en partance. C'est fou, je connais leur chemin mieux que les lignes de ma main. Adieu les amours en gondole, les nuits de Chine, les acropoles. La terre de France à mes souliers, c'est comme des fers bien verrouillés. Marseille, tais-toi Marseille, tu cries trop fort. Je n'entends pas claquer les voiles dans le port. Je vends mon histoire aux touristes. On fait des sous quand on est triste. Les escudos et les dollars, y a rien de meilleur pour le cafard. Et puis j'ai toujours dans ma poche un vieux billet qui s'effiloche. C'est tout mon rêve abandonné, je n'ose pas le déchirer. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la grande grève des dockers en Marseille en 1949. Notre invité aujourd'hui, Tanguy Perron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et chercheur au Centre d'Histoire Sociale des Mondes Contemporains de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et au CNRS. Vous avez notamment publié en 2018 aux éditions de l'atelier Écran Rouge, syndicalisme et cinéma de Gabin à Belmondo. Alors, à la fin des années 40, il y a beaucoup d'activités sur le port à Marseille, ça exige beaucoup de main-d'œuvre. Quel est le profil de ces hommes qui y travaillent à cette époque? Je parle du profil ouvrier, on parlera tout à l'heure de leur psychologie sociale, de leur conscience sociale, mais qui sont-ils déjà? Ben, c'est des hommes... Vous les connaissez bien, c'est pour ça que je vous pose la question. D'ailleurs, un certain nombre de personnes dont on parle, vous les avez rencontrés, un au moins. Roger Manunta, voilà. Oui, le docker qu'on a vu tout à l'heure, et Paul Carpita, le réalisateur. Et Paul Carpita, réalisateur. Donc vous les connaissez bien. Oui, enfin, je sais pas, mais en tout cas, c'est dur de définir leur profil. En tout cas, ce sont des travailleurs manuels qui travaillent très durement, dont le symbole est souvent le croc, le crochet qui permet d'alpaguer, de prendre les marchandises. Donc, il y a une réputation de force physique extrême. Oui, et effectivement, clair. On est bien avant l'invention des containers. Hein, donc, il faut savoir qu'on a besoin de main d'œuvre et que ce travail physique est dur. Il est dur et dangereux, comme vous le disiez. Donc, il y a tout un prolétariat qui est issu souvent du sous-prolétariat. Donc il y a une mauvaise réputation. Je vais peut-être un peu vite sur le profil psychologique, mais il y a une légende noire autour des dockers. Alors souvent ils ont été payés jusqu'à ce qu'ils conquièrent des luttes sociales, enfin des avantages sociaux sur lesquels on reviendra, ils étaient exploités et payés à la tâche. Hein. Et parfois, même au début du XXe siècle, payés, comme c'était le cas au Havre, en vin, en jetons à boire. Donc c'était un espèce de sous-prolétariat qui pouvait survivre très difficilement, hein, qui était souvent confronté au chômage et qui parfois vivait de rapine. Donc il y avait une légende noire autour des dockers jusqu'à ce qu'ils découvrent leur force et que la nature de leur métier fasse qu'ils en fassent une force syndicale. Ils passent de la précarité d'un sous-prolétariat à un super-prolétariat, si on peut dire, grâce à leur conquête sociale et au statut des dockers qui est acquis en 47. Et parce que la nature de leur métier, c'est d'être des travailleurs, des chômeurs intermittents, si l'on peut dire. Ouais. Et ils sont des travailleurs employeurs multiples. Comme aujourd'hui, si vous voulez, les intermittents du spectacle. D'ailleurs, on pourrait faire une analogie entre dockers et intermittents du spectacle, non pas par la nature du travail, mais la nature de l'embauche. C'est-à-dire qu'ils vont être protégés à peu près de la même façon. Ils vont être garantis, ils vont être protégés en cas de chômage. Et à partir de 47, effectivement, comme vous le disiez, c'est un moment de conquête sociale extrêmement importante. Il y a le statut des deux, il y a le statut des mineurs, il y a le statut des fonctionnaires, il y a la sécurité sociale. Donc, il y a tout un train de lutte et de grandes conquêtes. Et dans ces conquêtes, il y a effectivement le statut des dockers qui leur donne une place à part. Donc, ils sont protégés contre la catastrophe du chômage en pouvant gérer ou co-gérer l'embauche. Alors, ça c'est pour le statut social, professionnel. Mais cette grève, elle nous interpelle parce que évidemment, après il y aura des conquêtes salariales, ce qui est tout à fait légitime. Mais au départ, c'est pour lutter contre une guerre. Donc c'est une grève intellectuelle. C'est une grève de conscience et c'est ça qui nous frappe. Est-ce que les dockers constituent une population plus à même de mener ce genre de combat ? Peut-être oui. Mais pourquoi d'ailleurs ? En tout cas, à Marseille, c'est depuis longtemps des quartiers populaires interlopes, on peut dire, où se mêlent des gens venus de partout, avec différents. Ça renvoie aussi aux trafics coloniaux. Donc, ils sont habitués à côtoyer. On a vu à côtoyer des gens qui viennent d'ailleurs, de toute la Méditerranée ou des colonies françaises. D'où l'ouverture d'esprit, finalement. Une certaine ouverture d'esprit, un certain mélange. Il y a aussi une tradition révolutionnaire qui date depuis longtemps, qui s'est pas implantée facilement, mais on peut voir que dans quasiment tous les ports du monde, il y a une tradition révolutionnaire importante et des traditions de solidarité qui sont liées à la nature de l'embauche, dont je parlais, mais aussi au travail très fort d'implantation du Comintern dès les années 20. Pour le mouvement révolutionnaire communiste international, c'est important. C'est des relais, quoi. C'est important de maîtriser les ports, forcément, en cas de révolution mondiale, comme toutes formes de transport. Justement, on n'en a pas parlé, on n'a pas parlé des intellectuels français qui ont fait plus ou moins les yeux doux à l'idée communiste à l'époque, mais à l'époque également, il y a une affaire, c'est l'affaire Henri Martin qu'on avait raconté dans Affaires Sensibles, ce quartier maître qui refuse de servir en Indochine. On lui fait un procès inique, genre cour militaire. Ça se retourne contre ceux qui organisent ça. Bref, il y a un contexte aussi. Indochine, Henri Martin, les intellectuels qu'ils soutiennent, il y a tout ce bouillonnement-là. Non ? Bien sûr, alors il faut faire la part des choses, parce que c'est une fois une grève contre la guerre d'Indochine, contre l'impérialisme américain, hein, on est en pleine guerre froide, contre le réarmement allemand aussi, contre le plan Marshall, tout ça c'est imbriqué. Mais il y a une misère sociale qui est importante, hein, parce que l'effort de la France pour la reconstruction a été dirigé vers les infrastructures, et les populations prolétaires souffrent, en particulier dans les ports qui ont été victimes de bombardements pendant la guerre, comme c'était dit tout à l'heure. Donc il y a à la fois une conquête sociale, il y a des revendications sociales, on réclame les 3000 francs, hein, on réclame les 3000 francs et on lutte contre la guerre d'Indochine. Donc ça joue. Mais effectivement, les dockers qui ont une conscience de classe aiguë, c'est l'avant-garde de l'avant-garde, et ils sont isolés. Et comme vous l'aviez parfaitement décrit, cette fin va se finir amèrement. Et il y aura des sanctions, beaucoup de dockers qui seront certains emprisonnés et d'autres qui ne pourront pas revenir sur les quais. Il faudra plus de 10 ans pour reconstruire un syndicat CGT sur le port de Marseille. Et cette grève, c'est Roger Manunta qui le disait, c'était une défaite syndicale, mais une victoire anticoloniale. Donc, parce que ça maintient la flamme de l'anticolonialisme. Et pourquoi pas. Mais en même temps, le Parti communiste va changer un peu de tactique qui sera moins coûteuse au point de vue syndical. C'est justement de se polariser sur des grandes figures, dont Henri Martin. Henri Martin, ce quartier maître qui est à Toulon, ancien résistant, qui refuse de comment, qui fait des tracts, hein, qui circulent au sein de l'armée, et on lui met une affaire de sabotage sur le dos, qui est fausse. C'est dévoilé et ça vient, alors c'est un peu exagéré, mais c'est appelé comme l'affaire Dreyfus de la 4ème République. C'est vraiment inique ce qui lui est reproché. Il est emprisonné, il est condamné à 5 ans de prison, il se marie en prison, le Parti communiste n'est capacité de mobilisation pardon, extraordinaire. Et après la défaite des dockers de 53, l'affaire Henri Martin permet de parler de la guerre d'Indochine, de faire des alliances dans le milieu intellectuel. Effectivement, Sartre et Prévert, qui avaient été assez maltraités par le Parti communiste il y a peu, vont se mobiliser pour l'affaire Henri Martin. Une partie de l'Église aussi. Ouais. Du coup, on peut parler de la guerre d'Indochine. On va aussi protester contre ce qui arrive à Raymond Dien. Elle est quand même condamnée à un an de prison ferme. Qu'elle s'est allongée sur une voie. Quoi. Voilà, donc c'est quand même... C'est pas pareil, elle en fera plusieurs mois. Elle est décédée l'année dernière. Donc voilà, ces grandes figures, Henri Martin, Raymond Dien, la peau popularisation de leur lutte, de leur combat, permet d'affaiblir et discréditer le gouvernement français et la guerre de Chine. Bien, on se retrouve dans un peu moins de 3 minutes après avoir écouté Tamino, The Flame. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Tanguy Perron, je rappelle que vous êtes historien, que vous avez écrit le livre « Écran rouge, syndicalisme et cinéma » de Gabin Belmondo. On va donc parler du film « Le rendez-vous des quais » dont nous parlions en début de récit. Donc, sa diffusion a été interdite pendant 30 ans. Et avant de parler des raisons de cette interdiction, je vous propose d'écouter une archive datant de 1996, dans laquelle Jean-Paul Daniel, ancien directeur de l'Alhambra Ciné à Marseille, explique comment les bobines du film ont été exhumées. Pour aller vite, si tu veux, comment le film a été retrouvé, le rendez-vous des quais a été retrouvé, à la limite d'une façon très simple. Le jour où vraiment il a été dit on le cherche, c'est avec les gens de Port-de-Bouc, toute l'équipe de Port-de-Bouc, qui faisait un travail sur la mémoire populaire des chantiers de Port-de-Bouc, et que certains ouvriers ont dit, mais nous on a tourné dans un film dans les années 50 de Paul Carpita. Et donc l'idée c'était de dire on recherche ce film. Et il se trouve que Jack Lang est venu à ce moment-là au chantier naval à Port-de-Bouc au lieu d'aller à Deauville pour le festival américain, c'était en 1980, c'était un début. Et les responsables culturels de Port-de-Bouc ont dit à Jack Lang, est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver ce film? Lui il a téléphoné, il a fait dire ok, il a dit ok, il a demandé au CNC, est-ce qu'on peut retrouver ce film? Ben on l'a retrouvé et on a dit, ils sont sur les étagères de la prison à Bois-d'Arcy. Et qu'est-ce que c'était qui était sur les étagères? C'était les copies saisies par le ministère de l'Intérieur, qui avait tout simplement, non pas détruit le film, mais mis en prison les deux copies. Et c'était écrit dans les fichiers du CNC. Voilà, aux oubliettes. Mais tellement longtemps. Pourquoi oui. Si longtemps? Bah, je crois qu'il avait été un peu oublié. Les recherches n'avaient pas été menées. Et puis, en fait, compte cette affaire de censure, elle est importante, bien sûr, mais elle est assez tardive. Le film sort tardivement. Il est déjà un peu caduque, parce qu'il sort en 55. La guerre d'Indochine est déjà finie. Oui, et en fait, Carpita va faire d'autres films. Et c'est vraiment, en fait, c'est une mémoire populaire qui va réclamer le film après. Et je pense que ce film n'était pas dans la prison de Bois-d'Arcy, mais il y a une prison à Bois-d'Arcy, mais à Bois-d'Arcy, il y a aussi les archives du film du CNC. Et c'était tout simplement posé là, dans le fond du Parti communiste. Et c'est seulement quand il demande que le film a été exhumé. Et justement, il y a eu un peu de frottement entre ceux qui le cherchaient et ceux qui avaient les déposants à qui on leur accusait. Vous aurez pu nous dire qu'il était là, comme ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un plan de restauration du film qui a bénéficié par la suite à tout un corpus de films du mouvement ouvrier. Et ça nous permet justement d'avoir une mémoire de ces luttes. Et dans ces films, il y avait un autre film qui s'appelait Vive les dockers, qui lui aussi était interdit en 1950, qui d'ailleurs comprenait des films faits par Carpita. C'est justement le déchargement des bateaux et des cercueils de marins, enfin de militaires tués en Indochine. Donc vous voyez, une histoire du cinéma militant et la censure qui s'est abattue sur ce film-là. Elle est tardive et l'oubli est long, mais ça traduit la répression que le mouvement ouvrier a subie aussi. Ça rappelle qu'on est en démocratie quand même, hein. Et qu'on censure des films. D'ailleurs, Carpita, je crois, s'est indigné que le milieu du cinéma à l'époque n'ait pas bougé pour condamner la censure de son film. Oui, il s'est indigné après, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de campagne du Parti communiste en 55 contre ce film-là. Il est considéré, à mon avis, d'après ce que j'ai vu avec les producteurs communistes de l'époque, tout ça, comme un régional de l'étape. Ah oui, donc voilà, il y a peut-être un, je vais pas flatter un sentiment anti-parisien, mais peut-être un petit mépris pour la province de la part de dirigeants communistes qui disent bon, il est sympa cet instituteur, ses films sont sympathiques, et puis la stratégie a réellement changé, c'est-à-dire que alors, il faut revenir sur peut-être l'affaire de la censure. Si ce film est interdit en 55, pourquoi alors que la guerre d'Indochine est finie, alors que ce film-là, Rendez-vous des quais, qui est une histoire d'amour assez gentille en fait, hein, qui est tendre, qui est presque naïf sur un côté, qui ne traduit pas toute la violence de cette grève que vous avez parfaitement bien décrite. Alors s'il est interdit, c'est parce qu'on est en 55, au début de la guerre d'Algérie, et le ministre qui pèse lourdement pour faire interdire le film, c'est André Maurice, par ailleurs qui sera maire de Nantes. Nantes est en pleine ébullition. L'été 55, il y a un ouvrier métallo qui va être Jean Rigolet, qui va être tué. Ça sera l'objet de la fiction de 2000 Chambre en ville bien plus tard, dans les années 80. Donc c'est un port, non? Et le ministre est issu de ce port-là. C'est un radical, très anticommuniste, très Algérie française. Il a peur que ça recommence. Il a peur que les ports s'enflamment, comme ils s'étaient enflammés à Marseille, mais aussi à Brest. À Brest, en 50, un ouvrier du bâtiment, encore Édouard Mazet, est tué en pleine grève des dockers aussi. Donc ce ministre, le Parti communiste, là, dans sa ligne de mire, avec pas mal d'humour, il l'appelait, André Maurice, il l'appelait Dédé la Muraille, parce qu'il a Dédé la Muraille était suspecté comme entrepreneur d'avoir participé à la construction du mur d'Atlantique, mais surtout c'est lui qui a fait la ligne Maurice entre la guerre d'Indochine, enfin entre l'Indochine et l'Algérie. Voilà, donc il y a ce contexte qui joue beaucoup pour l'interdiction du film, et puis après on oublie effectivement. Il y a d'autres exemples de films consacrés à des luttes sociales qui ont été censurés en France, vous avez ça à l'esprit ou pas? Oui, on va, je pense que sous la 4ème République, la censure se grandit en fait. Hein, je veux dire, vraiment, les guerres coloniales, plus les grèves ouvrières dures, les grèves des mineurs en 48, qui sont déjà une défaite ouvrière, la grève de 47, tout ça, la traduction filmique est quasiment impossible. Bien, vous parliez des intermittents, des dockers, ça me fait penser qu'une... Une pièce de théâtre se prépare en ce moment, qui doit se jouer au Festival d'Avignon, au Théâtre des Gémeaux, je crois. Une pièce à la Ken Loach, qui met en scène des dockers, justement, et leur psychologie, et qui est transposée, je crois, à l'époque de Margaret Thatcher. Voilà, on vous en dira plus quand on en saura plus de ce projet. Merci, merci infiniment, Tanguy Perron. Au revoir. Merci beaucoup. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la grève des dockers marseillais en 49, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Benjamin Troncin.